le ciel est bleu. J'ai des amis qui sont aussi mes amoureuses. C'était la belle période de tout était possible du milieu où c'était le temps. Comme dit la chanson, c'était le temps de c'est quoi? C'était le temps du but, le but nouveau, au zéro, aux enfants, 50 ans, des sapins, les 20 ans, des résus, temps nouveau. Alors, on n'est pas loin, hein? C'est le début d'un temps nouveau. Le lundi, c'est toujours un renouveau. Le mardi, mais là, on attend au vendredi. Mercredi, ben c'est le nombril de la semaine. On peut s'enlever de la mousse. Jeudi, oh! Une seule journée avant l'heure fatidique! Et vendredi, l'heure fatidique avant la 48 heures de liberté absolue ou presque! Mais errance rénaldienne, c'est 120 minutes de liberté absolue. Absolue! Mais là, quand tu regardes le mot absolu, il n'y a rien qui arrête l'absolu. Il n'y a rien qui met des barreaux dans l'absolu. Il n'y a strictement aucune embûche dans l'absolu, car c'est clair, c'est net, c'est précis. Tout est là pour nous rendre plus loin. Plus loin où? Bien, plus loin, et vers n'importe où. C'est où ça, n'importe où? C'est par là. C'est par là. N'importe où, c'est par là. Puis partout ailleurs. C'est pas juste un endroit précis. C'est 360 degrés. Et pas un de moins. Et pas un de plus. Et 360 degrés. Linda Blair, exorciste. La tête, hein? On a même des effets spéciaux, madame, mademoiselle. Ça vous fait mal, hein? Non, mais ça nous donne des petites crampes au cou. On se dit, oh, 360. Pas capable de faire ça, moi. Même si je suis possédé des Ramones, même si je ne crois plus à la sainteté judéo-chrétienne. Même si rien ne me motive à une croyance à l'au-delà. Moi, j'ai essayé à l'au-delà. Oh! Hein? C'est un goût particulier. À l'au-delà, c'est pas de l'eau de source. C'est pas de l'eau minérale. C'est de l'au-delà. On sait même pas d'où ça vient. Ça arrive dans ton verre. On te dit, mon ami... Cette mixture, c'est pas de l'eau. Cette mixture, parce que c'est indescriptible. Indescriptible. Va pas prendre tes annuaires. Va pas prendre tous les dictionnaires du monde entier. Il n'y a pas un mot pour décrire cela. C'est clair, net, sec. C'est comme l'absolu. Il n'y a jamais assez de liberté pour traduire ce mot. Il n'y a jamais assez d'effervescence, d'explosion imaginaire pour en arriver à balbutier le terme, le mot, le symbole. Sinon, comment ça va, vous? Hey, on a hâte de voir la fin. La fin, c'est avant le début. C'est pas compliqué, non, mais règle générale, c'est que la fin, pour y arriver, il y a eu une genèse, une prémisse, un début, une ouverture. Il y a eu un accouchement. Il y a eu quelque chose, en un mot, qui s'est passé. Pour arriver à la naissance. N'importe quelle naissance. N'importe laquelle. Naissance d'un dessin. Naissance d'un poème. Naissance d'un amour. d'un enfant. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Sachez qu'en ce moment, je suis bien fatigué. J'en ai marre. Et je voudrais bien me reposer. J'en ai marre d'aligner des paroles et des paroles. Il y a même des contrepoints. J'en ai marre d'aligner des paroles et des paroles. C'est ma façon de faire de la musique sans musique. Je suis bien fatigué. J'en ai marre. Je voudrais bien me reposer. Ich würde mich gerne ausruhen. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Und dann, meine Herren, meine Dame, mein Fräulein. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Und dann, meine Herren, meine Dame, mein Fräulein. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Und dann, et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Dann, meine Herren, meine Dame, mein Fräulein. Sachez qu'en ce moment, Sie sollten wissen, dass ich im Moment, je suis bien fatigué. J'en ai marre. Je voudrais bien me reposer. Ich würde mich gerne ausruhen. Quelle belle magie! Ce n'est donc pas extraordinaire? Non? Vous avez déjà vu mieux que ça. Bon. Hey, pour impressionner un public, il faut vraiment marcher sur les mains. Surtout à la radio. Moi, j'ai déjà vu Jacqueline marcher sur les mains. Elle était en jupelette. C'est pas de la juplette, c'est la jupette. Ah, ben, mon Dieu. Toi, tu connais ça, la mode? Ah, mon Dieu, ça y est. Moi, là, les tissus, là, ça n'a pas de secret pour moi. Ben, à te voir comment t'es habillé, on comprend. Mais c'est ça. Alors, donc, ben, écoutez bien le récit de cette émission qui est extrêmement chargée. Pas de sens. Ben, en fait, oui, là, un sens bidirectionnel qui risque de se départager et de s'en aller on ne sait pas où. On ne sait pas où. Ben, moi, je m'en doute un peu. Et vous, là, voliez pas aucun secret. Ben, il n'y a pas de secret, tu vas le dire. Ah, c'est vrai. Ah, j'ai le goût de le dire, là. Avez-vous le goût? Ah, oui, ça n'a pas de bon sens. Bon. Vous avez tout le temps le goût, vous? Ah, moi, c'est parce que je suis né avec le goût de vivre. Et puis ensuite? Ben, j'ai eu le goût d'apprendre. Puis après? Ben, le goût de rechercher des nouvelles aventures. Et puis par la suite? Ben, j'ai eu le goût de faire érasser d'Aldienne. Ah! Bonne initiative, ma chère dame. Ah, mais monsieur Grenier, ça me fait tellement plaisir d'être avec vous et de partager votre intelligence. Mais non. Non, pas tant que ça, moi, là. Ah, c'est ça, ben. On a essayé de diviser le nombre d'intelligences que j'avais dans le cervelet, puis oh, on n'y arrive pas à grand-chose. Mais voyons, arrêtez de vous discriminer. Vous êtes éliminatoire. Ah oui, moi, je suis comme les Jeux olympiques, moi, éliminatoire. En parlant de Jeux olympiques, nous aurons un intervenant de Vancouver dans quelques minutes pendant cette émission, donc nous le prendrons en plein vol. René Mamel-Moubard. Comment il s'appelle? René Mamel-Moubard. En tout cas, on va s'informer une fois qu'il sera sur les ondes. Il paraît que c'est René Mimel Moumard. Mais, en tout cas, comment il s'appelle? René Michel Mouffard. Ah, mon Dieu Seigneur. Ça devait être une dépression pour la mère lorsqu'elle a trouvé ce nom-là. Comment ça? C'est très beau. On n'a rien compris. On est mais oui, on va s'informer tantôt, là, tout à l'heure. Calmez-vous, mon cher monsieur, calmez-vous. Nous nous calmons. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons. Attention, je replace le micro. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs pour un temps illimité. La seule émission où l'animateur, ça c'est moi. Qui êtes-vous, monsieur? Moi? Grande question, là. J'espère que vous avez des heures. Nous avons toute la journée, toute la semaine. Si vous voulez, cette émission peut perdurer. Et faire dur, faire très, et ça peut être compliqué pour les oreilles de Mme Thibodeau, M. Tremblay, Jacqueline Bissonnette, Suzanne Michaud et puis Jean-Luc. Jean-Luc Saint-Étienne de Val-Bélair. En fait, il cherche encore son chemin pour atteindre son domicile. Il n'a plus son GPS, sa boussole vient de l'abandonner et sa femme également. La seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse. Qui télécharge mes émissions? Faites-vous entendre? Rénald Québec à commercialhotmail.com. Rénald Québec, RynaldQuebec à commercialhotmail.com. Si vous téléchargez, si vous trouvez l'émission intéressante, d'après vous, il faut couper à la troisième bouture, fissure, embouchure. Laissez vos commentaires, envoyez des courriels et nous répondons sans vous injurier si vous êtes gentil avec l'animateur. Sinon, on a déjà été rock'n'roll. Ah, nous autres, on a été version One Pass. Version One Pass. Ah, on se tirait dans la foule, on tirait nos courriels dans... aux gens, c'est surtout aux Wampasses, aux Wampasses, aux Wampasses. Elle aimait pas 16. Elle aimait tellement pas 16 qu'elle s'est écartée et lorsque je me suis tiré avec mes courriels, je suis tombé par terre. Aïe donc! Face contre nez contre terre, terre contre fourmi contre sol, sol contre trou est dans l'âme. Oh, Seigneur. Depuis ce temps-là, regardez-moi le museau. Ça n'a pas de bon sens. Qui télécharge mes émissions? La Gestapose, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états. À quoi bon faire de la radio si on ne se rend pas, ridicule? Oui, on va le dire et nous l'avons dit ici à Errance Rénaldienne, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. Deux heures et plus. Mais c'est... Sans blague, là, tu t'imagines que à travers tout ça, tu vas t'en sortir. À travers quoi? À travers quoi, madame? À travers tout ça, là. Je sais pas. Je sais. Et vous, croyez-vous que vous allez vous en sortir? Non, hein? Ah, c'est... Mais ça, j'y réfléchis, là. Je me dis, à travers tout ça, est-ce que je vais m'en sortir? Un peu à la manière de molalir la chance, molalir la lecture que je dois vous faire, là. Mais à travers ça... À travers tout ça, oui. Est-ce que je vais m'en sortir? Ça dépend, M. Grenier. Si vous êtes docile, si vous faites le gentil, si vous tirez la patte et branlez la queue. Deux, surtout branlez la queue parce que... À travers tout ça. Oui. Est-ce que je vais m'en sortir? Ça, j'en ai aucune idée. C'est vous, mon cher monsieur. Nous allons avoir une rencontre avec un psychanalyste. Non, pas une rencontre parce que je n'ai pas voulu me rendre là-bas. Mais nous parlerons d'un psychanalyste. Nous ferons la lumière sous les sentiers sombres et lugubres que peut comporter la psyché humaine. Parce qu'en arrière de tout ça, là, en arrière de la cravate intellectuelle, là, à travers tout le savoir et tout le secret, se cache, madame, mademoiselle, messieurs, quelque chose que monsieur Freud, Sigmund Freud! Comment? Sigmund Freud! Oui, monsieur, oui. Qu'est-ce qu'il disait, lui? Ben, C'est l'inconscient. Qu'est-ce que l'inconscient? Bien, l'inconscient est plus conscient qu'on pense. Parce que déjà là, Freud, pour penser, pour réfléchir, pour parler, pour arriver à dire que l'inconscient existe, il a fallu à un moment donné qu'il soit conscient que l'inconscient était là. Comment tu peux exploiter et explorer l'inconscient quand tu ne l'es pas? Eh hey, mais hey, toi, il fait lâche l'émission. Mais non, on peut pas. C'est sérieux, Laurence Renaldiel. Mais voyons d'art. Le psychu, mais l'inconscient. On sent conscience, on ne sait pas, puis on ne veut pas le savoir. Mais c'est ça. Vous voulez vivre consciemment dans l'inconscience. Non, je préfère être inconscient dans l'inconscient. Ah, comme la majorité du genre humain. En fait, vous voulez ne rien savoir et ne rien apprendre. Comme ça, vous allez être heureux. Ah oui, oui, comme Forrest Gump. Forrest Gump. Non, Forrest Gump. Forrest Gump. Ah, lui, il était heureux. À travers tout ça, oui. Est-ce que je vais m'en sortir? On vous le souhaite, mon cher monsieur. On vous le souhaite. C'est 250$ la rencontre, la confusion, puis vous pouvez nous faire un chèque, carte de crédit, carte bleue, carte orange, carte rose. Pas carte rose, parce que, tout ça. On sait qu'est-ce que ça fait, la carte rose. Ça rembourse pas. Ça nous retourne au receveur et ça nous dit, tu ne seras jamais payé. Tu ne seras jamais payé, il t'a fait ça pour rien. Toi qui as une longue formation universitaire pour comprendre ce qu'il fallait essayer de comprendre à travers l'inconscience. Toi, c'est l'hiver. C'est l'hiver et le beau tremblant. Et gouverne l'hiver dans tout blanc. Et avant, garde triomphant. Regardez le bonhomme de neige qui se sert à l'oreille du grand bois. Tous les jours, à ce temps, on m'enlège. Et se vit et se cherche tout bas. C'est l'hiver, ma chérie. Je t'appelle et j'ai t'oublié. Mais non, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, là, puis qui se disent, est-ce que c'est du français, ça? C'est de l'ancien français, ça. Ah, c'est du français qui n'était pas français avant de l'être et qui l'est devenu sans le savoir pourquoi. C'est du français, comment on pourrait dire, inconscient. Lâche-nous l'inconscient. Oui, on va le faire de même. Oui, comme ça, on va. L'errance complice de vos délires auditifs, mais aussi à visuel. Oui, monsieur. Et là, je me demande, là. Attends un petit peu, on va le savoir dans quelques secondes. See you. box is empty, as empty as can be, because there's no letters worth reading. So goes the saying, no news is good news, but not in my case of waiting. Saint-Valentin. Oui, qu'est-ce qu'on fait à la Saint-Valentin? On fait des cadeaux de Saint-Valentin. OK, pourquoi? Pour faire rouler l'économie. Ben non! Pour faire rouler l'économie. Pour faire plaisir à notre douce aimée. Pour faire plaisir à notre douce aimée. Puis faire rouler l'économie! Non, mon Dieu. Tu crois que sans la Saint-Valentin, l'économie se porterait mal? Exactement. Ben voyons. Voyons donc. La Saint-Valentin, là, c'est uniquement pour les étourdis, le peuple moyen qui est pris dans l'engrenage de travailler, travailler et qui ne connaît pas cette chanson. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demander l'argent, l'éteint. C'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour. Hey, hey bébé. Hey, j'espère la vie. Le monsieur est coincé. Oui, il est pas coincé, arrête. Oui. 8 et 8 font 16. 8 plus 8, 16. 8 moins 8, 0. Zéro, c'est le cadeau que t'auras, ma chérie, parce que je ne me ferai pas enfiropper par cette société de consommation qui me fait dire à chaque instant « achète, achète ». Plus c'est emballé, plus tu l'aimes, ta jeune demoiselle, qui elle aussi est de plus en plus emballée, de déballer son cadeau de Saint-Valentin. Là, tu lui dis, là, « Mon pigeon, ma petite chatonne, ma petite souris, là, dis quoi, mon gros rat? Ma petite souris, pourquoi tu déballes? Tu sais que c'est du chocolat. C'est la Saint-Valentin, c'est du chocolat. À Pâques, c'est du chocolat. À Noël, c'est du chocolat. À ta fête, c'est du chocolat. C'est ça, fais-moi agresser, toi. Mais non. Mais non, je te fais pas engraisser. Je t'aime de même. Et plus je t'aime, plus je te vois, et plus je t'admire. Oh! Pourquoi tu m'as pas écrit un poème? Je t'ai écrit un poème. Voilà, je vais le lire. Le lait, c'est moi, OK? Mais le lire, c'est ma bouche. Ma belle amoureuse. Depuis notre rencontre la semaine dernière, je ne peux m'empêcher de t'adorer. Ah! Je sais que tu te fais à l'idée que je suis un je sais qu'il est petit, mais il fonctionne très bien. Non, je suis un précipitipatapateur. Un je t'aime. Un si petit pétapétapétapétapétapétapétapétapétapétapétapétapétapétapétapétapétapétapétapateur. Je suis un petit péteur. Un petit péteur parce que... Je dis petit pète. Je suis un petit pète. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, ce texte? Je suis un petit pète. Excusez-moi. Je suis un précipité pète. Mon amour. Depuis que je t'ai vu il y a quelques semaines, je t'aime et je veux t'embrasser sur la bouche. Oui, je ne sais pas comment le faire. Je sais pas comment le faire. Je sais pas comment le faire. Je sais pas comment le faire. Je sais pas comment le faire. I love you, je n'entends rien. I love you, tu m'entendais pas. Trois petits becs. Ouais, mais j'ai rien compris. Ouais, mais c'est ça, c'est l'amour. Ça s'emballe, hein. Tu connais pas ça, toi. Moi, je suis un crêpeur de mots. Je crêpe le mot, je le monte, hein. Puis, je le descends tranquillement. Mot par mot. Et là, quand je vois qu'il frise le ridicule, je l'arrête. Je lui dis, ça va faire un premier ministre, on va l'appeler Jean Charest. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Madame. Oh, madame. Madame Thibodeau. Et Monsieur Tremblay, excusez-moi. C'est pas ça que je voulais dire. On l'aime. Empaillé. Avec les cheveux courts. Et pour voir la lobotomie. C'est pas vrai. Monsieur Charest n'a pas de bobo au niveau de la bébelle. Non, il a la bébelle, mais bobo. Il a les gros bobos, la bébelle. Ah, mon Dieu, c'est la bébelle. Excusez-moi. Aujourd'hui, ah, mon Dieu, je suis excité. Je suis nerveux. Parce qu'il a la bébelle, il a le bobo, la bébelle, le bobo, le bibi, le bobo, le bobo, le bobo, le bobo, le papa Noël. L'errance, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Stone, le monde est stone. Je vois le soleil en plein minuit. J'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir. M'étendre sur l'asphalte. Hey, me laisser mourir. Je le sais bien clair. Ok, c'est fini. Là, ici et maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir d'une phrase, d'une de ses nouvelles extraits de son recueil « Contes et nouvelles ». Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. On y rentre-tu, Jacqueline? Oh, mais on y rentre, mais c'est épeurant, hein? Il fait noir! Ben oui, mais c'est noir de monde aussi. Noir de monde. Oui, madame. Et voilà, voilà, voilà la phrase qui nous amènera vers d'autres élancés. Première phrase, c'est « Frank s'engagea sur le freeway ». Il faut dire que Frank, là, quand il voulait pas. C'est bizarre, son idée, avant même de sortir de chez lui, c'était « Non ». Je m'engage pas sur le freeway. Parce qu'il savait qu'une aventure épouvantable allait arriver. Hey, tu fais peur, toi. Mais non, n'ayez pas peur. Ouais, j'ai peur. Non, n'ayez pas peur. Sèche tes pleurs, n'ayez pas peur. Mais tout ça. Oui. Est-ce que je vais m'en sortir? Ça, Frank, on le sait pas. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il est sorti un bon samedi après-midi du 13 février 2010. Et il faisait noir. 23 heures pile venait de sonner. Mais là, 23h10, pip, OK. 23h10 venait de sonner. Pourquoi t'as pas dit 23h? Ça allait faire pim, pim, pim, pim, pim. Ben oui, mais c'est 23h10, c'est pas 23h. OK, 23h10. Fait que là, il sort à l'extérieur, il avait un petit sac. Et dans ce petit sac, il avait une petite fiole. Et dans cette petite fiole, il y avait un liquide assez mouvementé. Ben là, c'était du cyanure. Mais non, c'était pas du cyanure. Arrête du cyanure. T'es-tu malade, Dwayne? C'était de la vodka. De qui? De la vodka. Une petite bouteille de vodka, de la vodka. Puis là, quand tu brosses la vodka, ça fait la vodka. Mais ça fait pas ça, moi, quand je brosse la vodka. Ben oui, mais c'est pas de la vraie vodka. Qu'est-ce que c'est la vodka de Russie? Oh, ben, c'est-tu la vodka de Russie? Un moment, je vous prie. Jean-Claude! Elle sait pas, elle est en train de monter ça. Descends ta jupe, ma Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai fait un petit pipi. Ben oui, mais sors pas le petit pipi, rentre le petit pipi, va tirer la chasse du petit pipi. Là, ce que je veux savoir, ma belle Jean-Claude, est-ce que c'est de la vodka de Russie? Excusez-moi. Est-ce que c'est de la vodka de Russie? Ben, on sait pas, c'est de... En fait, je voulais acheter la vodka de New York. Ah, mon Dieu Seigneur. J'ai une petite nausée. Comment ça, ma belle? Tu vas acheter de la vodka de New York? Est moins cher. T'as l'air moins cher, toi, puis je t'aime quand même. Ah, tu trouves que j'ai l'air... T'as l'air très bon marché. Mais voyons. T'es pas très gentil. Mais pourquoi je serais gentil? T'es-tu gentil, toi, la vodka de New York? Voyons. La New York, c'est pas la vodka, New York. C'est quoi? Mais c'est toute la nourriture de clown, là. Toute la... Les hamburgers, les frites, la boisson glaseuse. Glaseuse! Glaseuse! Glaseuse, ça glace, ma petite fille. Tu glaces quand tu bois ça. Ça glace. Ça glace de partout. C'est pas gazeux, c'est glaseuse. Hey, la vodka, ça vient de Russie. Mais reste à New York. Ben oui, parce que quoi? Tu veux économiser? Écoute, mon petit Frank. Oui? Écoute, mon petit... J'aime ça quand tu dis ça. Dis-moi ça. Écoute, mon petit Frank. Oui, je t'écoute. Oh... Abandon, lâche pas. Mais c'est parce que je me suis dit qu'en achetant la moins chère... On t'écoute? Oui, mais c'est ça. En achetant, excusez-moi, en achetant la moins chère, il y a un vacuum dans ma tête. Un vacuum? Oui, il y a un néant. Un néant. Un néandertal. Enfin, bref. En achetant deux bouteilles de vodka des États-Unis, c'est bien mieux que d'acheter une vodka de Russie. Ah, Saint-Abel. C'est pour ça que je t'ai marié. T'es merveilleuse. Ah, oh, alors t'aimes mieux le bon goût ou la quantité? Pour ce qui est du liquide, je préfère écartiller devant la quantité. Écartiller devant les quantités. Ah oui, moi, plus je suis écartillé devant la quantité, plus la quantité entre en moi. Ben voyons donc, on appelle ça un gars en transe. Non, pas en transe, moi je suis en tranche. Parce que sur le freeway, là, je voulais me coucher à un moment donné, tu sais, puis je me suis dit, je vais me suicider, on m'a acheté de la vodka de New York, pas de la vodka de Russie, puis je vais mourir. Fait que là, je me suis dit, je vais m'étaler sur les tracks du freeway. Mais qu'est-ce que c'est que le freeway? Mais c'est un train. Pas certaine, moi. Moi non plus, je suis pas certain. C'est quoi un freeway? C'est un train. C'est des rails de train. Un freeway, c'est des trains gratuits. C'est de la gratuité pour les pauvres. Le pauvre monde de New York. Tout le monde est pauvre à New York. Je suis pas certaine, moi. T'es jamais certaine, toi. Mais je te le dis, moi. Le monde est pauvre à New York. En sac quête. Tu vois des vieux quêteux, des jeunes quêteux, des belles quêteux, des beaux quêteux, des beaux quêteux, guédeux. Voyons, t'es pas capable d'être seul, moi, mon vieux deux quêteux. Ah oui, moi, je dis qu'à deux, on est bien mieux. Ben, ça, c'est vrai. Le quêteux a raison. Il dit, à deux, on est mieux, ma belle. Écoute, les pauvres, ils ont des choses à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire, mon pauvre? Je suis un pauvre. Oui. Un pauvre quêteux. Oui, et vous êtes deux? Deux quêteux. Deux quêteux de... Deux quêteux? Non, mais de quai d'où? Ah, de New York. OK. Deux quêteux de New York. Étabardouche. Deux quêteux de New York. Hey, voulez-vous une petite vodka de New York? Ah, mais nous, on veut pas de la vodka de New York, on veut de la vodka de Russie. Ouais, mais hey, demandons à Lucie si elle a de la vodka de Russie. Lucie, t'as-tu de la vodka de Russie? Lucie, t'as plus. Lucie! Lucifer! Laisse faire, Lucifer! Lucie, laisse faire! Hey, la vodka de Russie. Ben, non, Lucifer! Laisse faire, Lucifer. Laisse faire, on s'en... On va se... Avec des... Pas des... À travers tout ça. Oui. Est-ce que je vais m'en sortir? Mon Frank. Maintenant, on peut parler des vraies choses. Il y a des grosses chances que non. Renaud Dépôt, elle est il va-tu s'en sortir, lui? C'est bien beau s'engager, mais dans quel parti? Le parti génital. Ah, voyons donc, c'est une espèce de perversité incroyable. Alors donc, la phrase... À travers tout ça. Oui? Est-ce que je vais m'en sortir? Vous allez vous en sortir, puisque la phrase de Charles Bukowski, c'était « Manchedise, marchandise ». T'as mal l'air dans marchandise, toi. Tu sais plus lise? Non, je sais plus lise. Et toi, Réal, sais-tu lise? Je sais lise. La créalise. Marchandise. Le titre, c'est « Marchandise cassée ». Les errances rénaldiennes. Et j'ai un blanc. Parce que normalement, Non, j'ai pas de texte. Aujourd'hui, le lundi 11 février 2019, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Avez-vous remarqué, je me suis presque étouffé. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, ça va bien. Ça va bien, j'ai poussé de pas. Je roule sur des pitounes, mais aller en enfer. Alors, pour nous en unissons-nous autour d'une fille exceptionnelle, Isabelle Gagnon-Camion. Arrête d'en parler, fais-nous la entendre, OK, avant ça. Petite chanson de l'artiste que je vous propose aujourd'hui et la semaine prochaine. C'est parti! C'est parti, c'est parti. Je Isabelle Camion, ou de son véritable nom d'artiste, Isabelle Gagnon Camion. Les gens ordinaires s'ennuient dans de longues vies ordinaires, et moi qui suis de l'ordinaire, je traîne mon ennui avec eux, je trimballe de l'ennui pour deux. Les gens ordinaires croient au miracle, à tout ce qui sort de l'ordinaire, aux histoires extraordinaires qu'on nous jette de la poudre aux yeux. Et nous voilà des gens heureux. Les gens extraordinaires n'existent pas. On m'en avait tellement parlé, et j'ai cherché, et j'ai cherché. Ça nous changerait de l'ordinaire, arrangerait nos affaires. Les gens paraordinaires sont des millions à se morfondre, des millions à se morfondre. Borderline de l'ordinaire, rien de vraiment extraordinaire. Les gens ordinaires s'ennuient dans de longues vies ordinaires, et moi qui suis de l'ordinaire, je traîne mon ennui avec eux. Je ne changerai pas mon ordinaire, et je crèverai avec eux, et je crèverai avec eux. Et je crèverai avec eux. Les filles du sable chaud, les seins en avant. Elles lui portaient de l'eau, tant il aimait tant. S'il était plus pervers, il taperait dans les fleurs des cactus du désert. Il compterait les heures. S'il était moins amer, il laisserait couler son cœur, inondant l'univers de ses cris, de ses pleurs. Tant il aimait tant, les filles du sable chaud, les seins en avant. J'avais pas l'impression d'être quelqu'un qui souffrait, si tu veux, en tout cas à l'époque. C'est l'écriture qui faisait en sorte que tu pouvais t'exprimer. Je sais pas, en tout cas, je racontais des trucs, mais de dingue. J'ai écrit un truc sur un procès d'un mec qui avait violé une enfant. Qui avait quoi? Violé une enfant. Et j'avais 12-13 ans. T'avais pris son nom? Et je me suis dit, moi, je me suis jamais fait violer. Alors... À la limite, l'analyse, je l'ai faite après, en fait, le texte. Donc, là, c'est là où j'écrivais, et le coup de masse, ça bat dans la chair molle, etc. Et ça se terminait par « Messieurs les jurés, si acceptés, ne pouvez du moins comprenez la fureur de mes sens et l'envie de l'aimer. » Et pour moi, je trouvais que c'était joliment dit, quoi, tu vois. Mais j'avais pas la conscience de pleine de ce que je voulais dire, enfin, de ce que ça disait. Comme ça, c'est l'écriture qui venait, ça, c'est pourquoi que les mots... Ouais. Et c'était hyper, hyper trash, quoi, en fait. Alors, t'étais comme enveloppé par un message ou des voix qui te faisaient... Non, honnêtement, j'avais même pas cette impression-là. Moi, j'écrivais pour écrire, pour me faire plaisir. À un moment, oui. Honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais en tout cas, j'aimais fouiller les choses. Mais jamais à l'époque, je me serais dit, tiens, j'ai écrit ça... d'une fille qui vient de se faire violer. C'est après où je me suis dit, tiens, ça fait un petit peu, messieurs les jurés, si accepté ne pouvait du moins comprenez la fureur de mes sens et l'envie de l'aimer. Je dis, merde, et en plus c'est un mec qui parle, quoi. Et moi je suis une fille. Et je suis restée hétéro. Mais c'était peut-être aussi le plaisir de te mettre à la place de quelqu'un, place d'une femme, d'une fille violée, à la place de... Je sais pas. Quelqu'un quelque part que je vais t'envoyer. Par exemple, elle, c'est une chanson que j'ai écrite pour un ami. OK. Un ami I. Okay. Qui m'avait demandé d'écrire une chanson pour lui. Okay. Pas pour lui, genre « Je t'aime », etc. Ah. Mais parce que c'était mon musicien, okay. Il avait 25 ans de moins que moi. Mm-hmm. Il voulait que il avait son truc et il voulait que j'écrive une chanson pour lui. Et je lui ai dit « Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire dans ta chanson ?» Et la seule chose qu'il m'a dite, c'est qu'il voulait une famille et qu'il voulait quelqu'un quelque part et qu'on l'attende même s'il rentrait tard. Et dans le refrain, c'est « Je veux quelqu'un quelque part, je veux quelqu'un quelque part. » Même si c'est un peu loin, même quand je rentre tard. Donc, il y a un moment, je dis, je me poserai contre elle et je serai fou d'elle. Pour moi, si tu veux, à un moment, si je la chante sans expliquer que, on me dit, ah bah tiens, elle aime bien les filles. Hein. Ouais, tu vois. Et en fait, non, j'ai écrit cette chanson pour lui, Adrien, avec qui j'ai joué quelques années. Et voilà, c'est une très jolie chanson, mais je l'ai écrite pour lui. Et je la chante, moi, en tant que fille, qui était destiné à quelqu'un. En fait, c'est un garçon qui devrait la chanter. Est-ce que tu le racontes un peu quand tu la chantes sur scène, que c'était pas une chanson? Alors, parfois, alors ça dépend de l'ambiance, ça dépend de tout ça. Des fois, t'enchaînes, machin, etc. Puis Et puis, quand il y a un petit bug informatique ou un petit machin, du coup, je dis, voilà, alors cette chanson, je l'ai écrite pour Adrien, voilà. Tu l'as dit, mais parce qu'il y a eu comme un problème technique. Alors, si. Pardon, des fois j'aime bien le dire, mais il y a des fois on t'enchaîne les choses et tu te dis bon. Tu te sens mieux lorsque tu chantes que lorsque tu racontes l'histoire. Voilà. Je ne sais pas si tu te rappelles quand on s'est rencontrés la première fois, j'avais 10 questions. Oui. Oui, ben, je les sais toujours et je ne l'ai pas fait parce que ce qui me plaît, c'est de comparer. De voir quelques années plus tard. On fait comme au cinéma, action-réaction, là, on voit ce que c'est. Alors, et tu crois que j'aurais les mêmes réponses qu'il y a 3 ans? Non, c'est jamais arrivé. N'importe qui. C'est jamais arrivé que les 10 questions soient répondues de la même manière, même une année après. Alors, on va vérifier. Ok. Et tu as gardé le. Ben oui. Donc tu pourras comparer. Ben oui, c'est ça que je te dis. J'ai toutes mes rencontres parisiennes, je les garde. Ça fait partie de mes archives. Jamais je vais m'en départir parce que si un jour je ne peux pas me présenter ici, ben je vais faire une rétrospective. Donc non, il ne faut jamais passer ça. C'est comme si. Bon. Alors si tu étais, je me sentirais mal à l'aise. Donc j'ai 3 disques durs qui renferment la même chose. C'est un peu la crainte de perdre quelque chose. Ou un feu, n'importe quoi, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. Le vin rouge. OK, mais lequel? Alors, Languedoc. Ah oui? Ouais. Ouais. Pourquoi c'est rendu un de tes vins? Parce que je trouve que le Languedoc, depuis de nombreuses années maintenant, est devenu vraiment... ils savent très bien le faire et que j'ai pas beaucoup d'argent et que pour avoir un bon Bordeaux, ça coûte très cher et pour avoir un bon Languedoc, ça coûte pas cher. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et souvent, ils sont même meilleurs que certains Bordeaux. Ouais, ils ont aussi... un titre un peu moins, élitiste, non? Ouais, oui. En tout cas, t'as plein de gens qui restent, genre, oui, c'est le Bordeaux. Hein. Oui, c'est ça, exactement. C'est pour le côté. Alors que t'as des Saint-Chinian, des Corbières, des Minervois, des machins, et des Languedocs, qui sont bien mieux que des petits Bordeaux, ou même des Bordeaux. Exactement. Tu vas acheter un Bordeaux à 20 balles qui sera moins bon qu'un Languedoc à 6 balles. Hein. On est victime de la marque. Ouais. Si tu étais une ville. Une ville? Paris. Ben oui, ça pas changé. Mais quel arrondissement? 18e. Pourquoi? Parce que c'est mon village. Moi, je viens d'un petit village, oui, moi. Exactement. Moi, je viens d'un petit village. Alors, c'est très touristique, c'est de plus en plus touristique, donc c'est des fois un petit peu gonflant. Mais tu vois, quand je vais sur la butte, quand on va prendre l'apéro avec les copains, faire un petit pique-nique, machin, quand. Ça reste mon village. Ouais. Ça reste mon petit côté. Campagne, c'est pas tout à fait le mot, mais village à Paris, quoi. Convivial. Ouais, ouais. Si tu étais une langue. Une langue? Oui. Une langue de bœuf? Ah, oui. J'aurais pu, ça avait dit une langue de cochon. Une langue de bœuf? Non, ben sinon je serais le français. Hein. Si j'étais une langue parlée, je serais le français. Mais comme tu parlais de cuisine tout à l'heure, la langue de bœuf, pourquoi? Parce que ça prête à plusieurs recettes. Alors, en fait, j'aime pas trop la langue chaude. Okay. Oui, oui, ça dépend lesquelles. Mais j'aime bien les petits pâtés de hure qu'ils font, où ils mélangent la langue, le machin, voilà. Oui. Voilà, donc, okay. Avec de la pistache. Exactement, c'est ce qui te rend la langue accessible. Si tu étais une époque. Une époque? Ah, je dirais bien la mienne, mais j'aurais peut-être aimé être 10 ans plus tôt. Pourquoi 10 ans plus tôt? Parce que j'aurais été moins emmerdée avec les 10 ans plus tard. Oh, okay, tu veux dire, toi, tu te verrais 10 ans plus tôt? Parce que j'aurais aimé faire partie de mes 68, parce que j'aurais aimé être actrice plutôt que suiveuse. Ah ouais, ouais, ouais. La Catherine Deneuve. Non, mais Catherine Deneuve, c'est trop. Non, j'aime beaucoup, je respecte beaucoup cette femme. Mais après, c'est pas forcément mon truc, mais je respecte énormément. Ouais. Donc, 10 ans plus tôt. Ouais, 10 ans plus tôt. Pour vivre tout ce qui s'est passé, là. Tout ce dont j'ai pas pu profiter qui venait de se dérouler, quoi. C'est vrai. Ouais. Et c'est ce qui a fait aussi que Paris et le monde est rendu comme ça. Ça fait les années 68, tout a commencé, tout a surgi. Si tu étais un mot. Un mot? Oui. Merde. Ah oui? Pourquoi merde? Non, parce que j'ai un ami qui me dit souvent « Oh, tu dis trop souvent, putain, merde! » Non, mais non, Ah, je ne l'ai pas dit, hein? Non, on discute depuis une heure et quelques. Je ne l'ai pas dit, hein? Non, mais sauf là, c'est vrai. Mais est-ce que tu te retiens ou ça coûte? Non, ça vient quand ça vient, parce que ça doit venir. Mais peut-être plus avec les amis, parce que tu sens... Non. Non, non, ça serait venu avec toi. Du coup, si tu me dis un truc qui ne me plaît pas, je dis « Oh, bah merde! » Ah oui, ok. Ah, voilà. Si tu étais un aliment? Un aliment? J'hésite entre le concombre et la côte de bœuf. Ah oui, ok. La côte de bœuf parce que. Ben parce que quand j'étais petite, j'aimais pas la viande. Et un jour, dans ma belle famille, on m'a servi une côte de bœuf avec de la viande rouge, enfin bleue même, etc. Oh, ouais. Et ça a été terrible pour moi. Ça a été vraiment terrible, terrible, terrible. Et par politesse, j'ai mangé un petit peu. Et je me suis rendu compte que même si la texture et même si le côté sanguinolent ne me plaisait pas beaucoup, au goût, c'était vachement mieux que de la viande cuite. Ah oui. Et après, petit à petit, je me suis mise à aimer ça et les huîtres. Ah oui, je serais peut-être une huître. Pareil, les huîtres, j'ai aimé ça à l'âge de 35 ans. Avant, pour moi, c'était un gros molard, une huître, quoi, tu vois. Et après, donc pareil, je buvais que l'eau. Ok, voilà. Après, je mangeais que les chapeaux. Okay. Et puis maintenant, j'aime pas quand elles sont grasses. Non, j'aime pas quand elles sont grasses, j'aime bien quand elles sont claires et tout ça, machin. Voilà, 8 côtes de bœuf, c'est pas mal mon truc. Ah, c'est pas mal. Avec des concombres. Ah oui, surtout quand tu fais chaud, hein. On dirait que ça nous aide à... Si tu étais une saison... Je serais entre le printemps et l'été. Je serais une demi-saison. Ok, ça serait moins chaud, hein. Ouais. Là, c'est trop difficile. Là, c'est... Bah, après... On a des étés qui sont pas lourds, hein. On a des étés pourris. Thank you. Disparition, elle portait des souliers de toile, jupe blanche et t-shirt noir. Au moment de sa disparition, elle portait un collier d'étoiles et son cœur en robe du soir. Au moment de sa disparition, il portait des bottes de travail, de la sueur sous son chandail. Au moment de sa disparition, il portait la vie sur son dos et sur son cœur, un gros piano. Sa disparition, elle portait un enfant vivant, une robe couleur de sang. Au moment de sa disparition, elle portait la terre à bout de bras, son cœur dans, se dansait pas. De leur disparition, ils portaient un drap d'hôpital, une culotte courte, un bel uniforme, un sac de linge sale, un paquet de tabac, un numéro nul, une poupée sans bras et rien dans les mains, la laisse d'un chien. Écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagnon. Impatiemment, j'observe, je guette. J'attends l'écoute, il y a des signes qui ne trompent pas. Non, plus aucun doute, mon nez au ciel, ces nuages gris. Oui, ça sent la goutte de pluie qui va tomber, tomber enfin sur la route. Le palpitant me presse, je file à toute vitesse, chercher une fille sous la pluie, lui offrir un abri et faire le coup du parapluie. Le coup du parapluie. parapluie. Le coup du parapluie. Un jour de pluie, c'est bien normal de prendre un vent. Les parisiennes si farouches me montrent les dents. 9 fois sur 10, elles m'ignorent, m'ignorent. Et frontément, la moumossade plus triste que le mauvais temps. J'aimerais un peu de rose, colorier le morose, troquer les mamans gris contre un bout de paradis et faire le coup du parapluie. Le coup du parapluie. Le coup du parapluie. Le coup du parapluie. J'ai les poches pleines de bonnes intentions. Aujourd'hui le temps se couvre, c'est le retour de bâton. J'ai sans doute choisi le mauvais papillon. Avec elle je crois qu'il n'y aura pas de négociation. Juste, juste. Ouais. Des coups de barbelé. Des coups de parapluie. Des coups de parapluie. Moi qui croyais au paradis. Moi qui croyais au paradis. Au paradis. Au paradis. J'attends les gouttes au parvis. J'attends les gouttes au parvis. Je voudrais qu'on m'attende. Je voudrais tout comprendre. Je veux être le manque et la voix différente. Je l'aime un peu fragile. Je la veux sur mon île. Je me poserai contre elle et je serai fou d'elle. Je veux quelqu'un quelque part. Je veux quelqu'un quelque part. Même si c'est un peu loin, même quand je rentre tard. Je veux quelqu'un, quelque part. Je veux quelqu'un, quelque part. Même si c'est un peu loin, même quand je rentre tard, je voudrais qu'on me tende la corde pour me pendre. Si je n'ai rien à attendre, je ne veux plus rien entendre. Tu m'attires, tu te tires, et je me laisse envahir par ton dernier soupir que je garde en souvenir. Je veux quelqu'un, quelque part. Je veux quelqu'un, quelque part. Même si c'est un peu loin, même quand je rentre tard. Je veux quelqu'un, quelque part. Je veux quelqu'un, quelque part. Même si c'est un peu loin, même quand je rentre tard. Pour moi, il n'est pas trop tard pour toi. Hein? Non, la guitare, non, effectivement, mais j'ai jamais touché. Ben oui, quand j'étais plus jeune, mais c'était la guitare classique. Et ah bah oui? Non, mais j'étais tellement pas doué que. Ben, t'es comme moi, quoi. La guitare m'a abandonné. C'est pas moi qui ai abandonné la guitare, c'est la guitare qui m'a abandonné. Là, t'as un album qui se prépare tranquillement, là? Ben, tranquillement. Alors, il y a l'album qui devait sortir l'année dernière. Ah oui, qui va sortir cet automne. Qui devrait sortir cet automne. Okay. Et puis, est-ce que c'est toi qui l'as appelé ou si c'est lui qui l'a appelé? C'est moi qui l'ai rappelé. OK. Et puis, de pour quoi... prendre de ses nouvelles. Oui, puis de quoi il avait... Est-ce qu'il avait l'air à dire « Ah oh, oui, oui, oui, j'allais t'appeler pour... » Un petit peu ça. OK. Je ne vais pas épiloguer parce que je ne veux pas... Voilà. Et puis là, les choses à venir, c'est des maquettes que tu veux, à un moment donné, placer sur... Alors, dès que j'ai une bonne démo de Pamela et de la Folardeuse de Pollen, et si j'ai l'aval de mes potes, là, je te l'envoie. Ben oui. Voilà, je vais t'envoyer. Viens dans ma soucoupe en entier et quelqu'un quelque part. Mais quand tu auras Pamela et la Polardeuse de Pollen... Ah oui, il y a aussi Un homme étrange. Tu as combien de chansons préparées? Combien de chansons? Ah! Là, tu as deux maquettes, là, plusieurs maquettes. Alors, l'EP, sur le petit EP de l'année dernière, qui s'appelle Les larmes de l'été. Oui. Là, il y a 7 titres. Okay. Et sur ce qu'on prépare avec Phil et Gilles. Alors, avec Gilles, là, on fait un petit EP aussi, 4-5 titres. Okay. avec Phil, on va faire un 12 titres. Mais je pense aussi que, comme on est un peu la même équipe tous les trois, il se pourrait, je ne sais pas, hein, mais il se pourrait que, qu'à un moment, on fasse un truc ensemble et que du coup, ça soit un album normal, 15 titres, je sais pas. Il se peut très bien que je fasse un EP avec Gilles, puis un autre avec Phil. Mais peut-être qu'à un moment, on se fait un truc en commun, je sais pas. Mais t'as-tu beaucoup de choses dans ton tiroir ou si tu écris au fur et à mesure? Alors, j'ai plein de choses dans mon tiroir, mais dont je savais plus trop me servir. Pendant 2 ans, j'étais assez bloquée, où à un moment, j'écrivais parce qu'il fallait le faire. Okay. Et là, depuis qu'on rebosse avec Phil et Gilles, là, c'est carrément, ça vient... C'est limpide, là. Ouais. Et là, j'adore ce qu'on fait. J'adore ce qu'on est en train de faire. Okay. Tu vois, je suis... Est-ce que c'est tout le monde qui est un peu sur cette frénésie-là de ton groupe? Est-ce que c'est tout le monde qui y croit? Non, enfin, je sais pas. Je crois que... Alors, j'ai la grande chance, pour parler toujours de Phil et Jill, c'est que au-delà de travailler ensemble, on s'aime vraiment. On s'aime vraiment. Et si tu veux, ils m'ont jamais laissé tomber ni l'un ni l'autre. Alors qu'à un moment, j'étais vraiment un petit peu en dessous du panier. Alors que je suis quelqu'un d'optimiste, de joyeux. Mais là, j'ai eu une période où j'étais ni l'un ni l'autre, je ne répondais pas au téléphone. Parce que. Non! C'était pas spécialement la musique, c'était la vie en elle-même. Truc que je connaissais pas, parce que je me suis dit, toujours été plutôt joyeuse, plutôt... Mais là, j'étais un petit peu genre, on aurait pu dire dépressive ou... moi, j'en sais rien. Hein, j'ai mais pas, comment t'as fait pour t'en sortir? Eh ben, comme d'hab. C'est-à-dire? Ben, j'ai attendu que ça passe. Et ça s'est fait comme ça? Ben alors, là, c'était la première fois que c'était... parce que j'ai jamais eu des périodes... Enfin, ce que j'ai vécu ces dernières années, je l'avais jamais vécu avant. Avant, j'avais des petites dents de scie, comme ça, comme tout le monde. Là, j'ai eu un moment de grosse dents de scie où j'avais aucune inspiration, rien, mais rien. Ben, il y a 2 ans, 2-3 ans, justement, quand on était en train de faire cet album, où je me suis d'ailleurs servi de vieux textes, où j'en ai écrit 1 ou 2 9, cette EP-là, qui ne sont pas mes plus beaux textes d'ailleurs, les 2 9 que j'ai écrits, alors que les vieux, entre guillemets, Ultime Départ, je relèverai la tête, etc., c'est des très beaux textes, je le dis franchement, hein, mais je les ai écrits il y a 5 ans ou 6 ans, enfin tu vois, ouais, bref, même il y a 10 ans. Et là, ce qui t'a heureux, c'est que tu sois retrouvé, c'était perfect. L'envie d'écrire, je te jure, l'envie de déconner, l'envie de... d'être juste et en même temps de délirer. Tu vois, mon histoire sur les abeilles, là, la folardeuse de pollen, j'ai vraiment étudié les abeilles, la nourricière, la tapissière, l'ouvrière, machin. Et à un moment, je me pose sur ton cœur et je le suce pendant des heures, rien que pour faire ton bonheur. Et je suis une folardeuse de pollen. Et en même temps, c'est vrai, je veux dire, elle vient butiner, elle vient machin, et après elle fait son miel, quoi, tu vois. Donc c'est juste et en même temps, c'est sexy. Et en même temps, ça coule de source. Et donc j'adore, et là je suis ravie de... Vraiment, ces derniers temps, là je suis ravie de ce qu'on fait, ouais. Ah, mais c'est bien. Ouais, Les gens croient aussi que t'es pleine d'énergie. Oui, bah ils me retrouvent un peu parce que, comme je te dis, Phil et Gilles, ils ont aussi... ils m'ont jamais laissé tomber. On se connaît depuis très longtemps, on a fait Chien et Loup ensemble, on a fait Simili Civilisé, on a fait... Mais ils auraient pu à un moment en avoir marre de... Bon, Zaza, qu'est-ce qu'elle fait? Elle glande, elle fout rien, elle bosse pas, elle répond pas au téléphone, nanani, nanana. Et donc, ils m'ont jamais laissé tomber. Et bon, alors, en même temps, ils ont eu raison. On jette pas de la qualité comme ça, quand elle a un coup de mou. Oui, ils savaient qu'il y avait quelque chose encore, il fallait pas s'arrêter là. Ben voilà. Mais en tout cas, voilà, au moins ils le savaient, ils en avaient conscience. Non, et puis surtout, voilà, c'est des gens que j'aime énormément et c'est chouette ce qu'on fait. Ouais. Alors peut-être que ça donnera rien parce qu'on n'a pas de promo, on n'a pas de machin. On va faire nos petits concerts, on verra bien quoi. On viendra jouer chez toi au Québec. Oui, ben oui, surtout qu'il y a des belles salles au Québec. Il y a le petit Champlain extraordinaire. C'est une salle de 250-300 personnes. Ouais, mais c'est bon. Mais par contre, si t'as pas de public là-bas, qui c'est qui va venir te voir? Ah oui, mais ça c'est le bouche-oreille. Bon, donc tu le fais là-bas. Oui, je le fais là-bas. Oui. Donc, non, le bouche-oreille, c'est sûr que si tu te présentes plusieurs fois, pour être connu, c'est certain que tu ne peux pas juste faire une apparition. Non. Ça, c'est certain. Dormait dans son verseau, les chèvres buvaient au rio. Nous allions au hasard et nous vivions encore plus fort malgré le fret et les barbares. Savions qu'un jour il viendrait à grands coups d'axe, à coups de taxe, nous traverser le corps de bord en bord. Tous les derniers humains de la terre. Vieux Achille dit à soir, c'est un peu trop tranquille, ami, laissez-moi faire le guet. Allez, dormez en paix. Ce n'est pas le bruit du tonnerre, ni la rumeur de la rivière, mais le galop. Des milliers de chevaux en course dans l'œil du guetteur. Tout ce monde sous la toile qui dort dans la profondeur. Réveillez-vous. V'là les Yankees, v'là les Yankees, y come, we y go, v'là les Gringos. Débarquèrent dans la clairière, ils disposèrent leurs jouets de fer. L'un d'entre eux, l'audi de gang, s'avance et pomme le mégaphone. Nous venons de la part du Big Control, son laser vibre dans le pôle. Nous avons tout, tout, tout conquis jusqu'à la glace des galaxies. Le président m'a commandé de pacifier le monde entier. Nous venons en amis. Maintenant assez de discussions, oui, signez-moi la reddition, car bien avant la nuit, nous regagnons la Virginie.

Mais à l'époque, d'ailleurs, avec Gilles, je te l'avais dit, je crois, quand on avait fait Chien et Loup, on avait eu vachement de retours du Canada, mais vraiment au Québec, Montréal. C'était Radio-Canada avait embarqué un peu. Ah, mais incroyable, incroyable. Manque de bol, ils avaient même fait des jeux où ils proposaient de gagner des CD de camion et tout ça. Manque de bol, la boîte de distrib avait envoyé aucun CD là-bas, quoi. On a eu des propositions de concerts, de première partie avec des groupes, tout ça. On n'a pas pu y aller, quoi. Donc je me dis, je pense que le, moi j'aime bien le Canada m'aime bien. Et bah merde, oui, ça, je me plante à chaque fois, merde. Tout le Canada avec le Québec. Oui, parce que c'est pas pareil, merde. Ouais, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil, hein. Oh, bon Dieu. Bordel. Non, mais là, tu imites quelqu'un qui reste dans le Nord. Ah bah, un petit peu. Ouais, c'est ça. Non, en fait, je copie Gilles, parce que souvent, c'est lui qui me parle comme ça. Je comprends pour rien. Ouais, c'est ça, ouais. Comme d'habitude. Ouais, voilà. Donc, bah, d'accord, c'est pas pareil, mais enfin bon, en tout cas, c'est sur le même continent. Hein. Ah oui, effectivement. Mais c'est de là aussi que viennent les deux solitudes. Les Français et... Non, et puis t'as raison, quand je dis Canada, c'était plus le Québec, c'était plus des radios québécoises, ouais, effectivement, bien sûr. Parce que tu essayes de demander à des Canadiens, 5 chanteurs québécois, ils n'en savent absolument rien, ils te diront aucun nom, mais nous on peut te dire 5 groupes ou 5 chanteurs ou chanteuses canadiennes sans problème. Donc, on est plus ouvert. Ah ouais, bah oui, bah non, bien sûr, vous êtes plus ouvert, mais bien sûr, non, mon petit poulet. Merci encore d'être passé à mon émission. C'est toujours un plaisir et l'intérêt vient du fait que tu es énergique. Et le plaisir aussi des mots et de nous rappeler tout ce que tu as vécu, c'est merveilleux. Bah, c'est ma passion, avant même la chanson et tout ça, c'est le partage et l'échange. J'aime l'être humain, même si c'est un gros con parfois, il faut bien le reconnaître. Mais je l'aime et je crois que tout est encore faisable et réalisable. Ouais, je suis optimiste, encore, je reste quelqu'un d'optimiste. Voilà. Puis rien n'est encore détruit, il faut croire. Il faut pas baisser les bras, il faut pas se dire bon voilà, t'as l'air d'un gros con, t'es peut-être un gros con. Mais peut-être que si on te parle bien, tu sauras t'ouvrir et être un peu moins con. Oui, c'est ça. Puis aussi, c'est en essayant de comprendre les autres qu'on devient beaucoup plus ouvert. C'est pas en jugeant, c'est d'essayer de comprendre. Non, exactement. Mmh. Exactement. Mmh. Et je pense sincèrement qu'on... Alors, on a tous des excuses pour être ce qu'on est aujourd'hui. On a des excuses et des raisons. Mais ça, connaître le passé de l'autre, c'est difficile aussi. Alors, sans le connaître, mais moi, quand je vois quelqu'un, sur son visage, si je vois un air un peu triste, un peu fermé, je ne me dis pas juste « Oh, tiens, c'est un gros con fermé. » Je me dis « Tiens, qu'est-ce qu'il a vécu pour être aussi fermé ?» Voilà, c'est ça, exact. Voilà. Exact. Et qu'est-ce qu'elle a souffert pour être aussi comme ça ? C'est ça. Qu'est-ce que... C'est ça. Et ça m'intéresse. Et ça m'intéresse. Il n'a pas de jugé. Oui, ouais, voilà. C'est ça. Et ça m'intéresse. Mais les gens, aujourd'hui, sont beaucoup plus prêts à juger que d'essayer de comprendre. Parce que ça demande plus de travail, de creuser, puis de discuter, puis d'essayer de... Mais alors après aussi, c'est pas forcément une volonté, c'est aussi des natures. Moi, c'est ma nature. Mmh. Oui, j'ai oui. pas la volonté de vouloir te comprendre ou de pas vouloir te juger. J'ai juste... ma nature, c'est la curiosité, l'amour, comprendre, essayer de savoir, voilà. Et c'est peut-être ça aussi qui va te faire écrire des chansons humanistes, c'est de comprendre l'autre et c'est de le relater dans une pièce ou dans un écrit. C'est pour ça que j'utilise beaucoup d'images, c'est parce que je ne veux pas être dans le takata, takata, takata, mais dans, je t'avais sorti l'exemple, je pense, il y a quelques années, quand je dis « Allez, viens prendre le thé dans ma soucoupe d'ici on voit la mer ». À un moment, je propose à l'humain de venir avec moi dans ma soucoupe, de regarder d'en haut et puis de regarder, bah attends, ça c'est pas joli, joli, ça c'est mignon, ça voilà. Et, donc, voilà. Et même si cette chanson elle reste un peu humoristique, un peu légère, pour moi elle est profonde. Elle n'est pas genre, allez viens dans ma soucoupe, on va prendre le thé, machin. Souvent, dans ces petites chansons qui semblent légères, se passe beaucoup de choses, donc il suffit de rentrer dans les métaphores pour voilà. Ouvrir les portes. Oui, voilà. Voilà. Ah, Isabelle, merci d'être passée à mon émission. Et puis, on se redit à l'année prochaine, peut-être. Oh, bah, pour d'autres aventures. Si je suis toujours là, et même si je ne fais plus de musique, de toute façon, oui. J'espère bien te voir. Hein. Oui, oui, j'irai manger chez toi. Ben oui, je t'avais proposé oui, d'ailleurs. Alors là, je pars chez ma sœur en Alsace jeudi. Okay. Donc il reste lundi soir, mardi soir. Mardi, ce soir, manque de bol. Non, mardi, malheureusement, c'est mon spectacle ici. Ah oui, c'est ici. Ah ben peut-être je pourrais passer par contre. Puis à l'Olympia. Mais oui, passe. Tu seras sur la place des Abbesses. Exactement. À quelle heure? À 19h, tu vas entendre de la musique, c'est une autre. 19h. Oui. Mardi. Mardi. Donc, ça risque de se terminer assez tard. Ouais. Puisque nous devions être 3 et nous sommes rendus à 7 personnes. D'accord. À travers ça, il y a des groupes. Donc, il y a des belles surprises. En tout cas, je ne vais pas trop en parler. Mais passe. Puis, tu peux frapper dans les mains, tu peux applaudir. Attends, voilà. Si je suis là, je suis là. Hein. C'est super plaisant, tu vas voir. Ouais. C'est filmé, c'est enregistré. Donc, à la bonne franquette. Et puis, s'il reste du temps, je te ferai une chanson a cappella. Oui! Ah, il y a toujours du temps. Il y a toujours du temps pour la cappella. Moi, et puis, c'est tout ça parce que je ne sais pas jouer de guitare. Non. Exactement. Mais tu te lanceras avec tes textes. Ou même, tu pourras faire des récités. Ouais. Oui, ça fait plaisir. Alors, on se revoit mardi. Ouais. Si tout va bien. Ça marche. Mais je peux comprendre que tu aies d'autres choses. Donc, non, écoute, mardi, attends, je vérifie quand même. Et j'arrête les micros. Vas-y, arrête. T'es parti depuis quelques minutes. Des ombres de toi traînent ici et là, sur le plancher de bois franc. J'allume la radio, c'est toi, en entrevue. Tu dis, oui, je l'aime. J'allume la télé, c'est encore toi. Tu passes entre les scènes de massacre en Irak et des reportages sur l'économie canadienne. Quand j'étais sur la terre, sous-locataire d'un kilo de futur, des messieurs incomplets vestons m'ont invité à une grande déception. Maintenant, je ne pleure plus, je ramasse des vies pour le jour J. Et dans mon cœur banqueur, je frappe monnaie à ton effigie. Dehors les chemins sont coulants, les serments de rosée. Va-t'en pas. Dehors y a des silences bondés d'autobus tombés sur le dos. Vaniteux qu'ils sont au bouquet de clés, aux bijoux de panique. Ils vont t'asseoir dans un bureau pendant qu'ici il fait beau. Ils perceront l'écran pour t'offrir une carrière ou noyer ton enfant. Ils briseront les lois, les cadenas et les os. Va-t'en pas. Dehors, y a des orgies d'ennui jusqu'au fond des batteries. Va-t'en pas. Dehors, j'ai vu un ciel si dur que tombaient les oiseaux. Thank you.